apéro du terroir. Très, très, très heureuse de vous présenter des producteurs d'ici, de la région de Québec, qui vont vraiment vous aider à déguster, je pense, le meilleur apéro de votre vie. J'ai prévenu certaines personnes que j'ai croisées, ne mangez pas trop avant parce que je pense qu'on va être très, très, très, très gâtés. Pour commencer, vous le savez, j'aime faire des mariages entre gourmandises et artistes. Alors, on a invité notre coporte-parole, Lou Adrienne Cassidy. Bonjour, Lou. Allô. Oui, on peut l'applaudir. Bonjour. Et là, vous vous dites pourquoi on l'a invité à cette émission particulière. C'est pas juste pour te donner à manger. C'est juste que, je dois dire, j'ai animé l'émission gourmande de bouche à oreille, oui, avec des artistes en musique, et je pense que je peux te décerner le prix de la meilleure critique culinaire dans cette émission. C'est vrai? Ben sérieusement, tes commentaires sur chaque chose qu'on dégustait, c'est, on aurait dit une professionnelle. J'étais vraiment touchée, merci. Ouais, tu peux l'applaudir, prix honorifique. C'est ma passion cachée, la cuisine puis la bouffe, là, souvent, des fois je me dis, si je faisais pas de la musique, je serais prêt dans la cuisine, mais sûrement que c'est ça. En tout cas, c'est une passion. Ouais. J'aime bien ça. Tu m'as même dit que je préfère parler de bouffe que de musique. Je pense que c'est peut-être vrai. Ouais. On dirait que je me sens... je me sens moins imposteur. Ça n'a aucun rapport. Je me sens pas moins imposteur, mais je sais pas. Vu que c'est une passion, on dirait que tu sens moins la peur du jugement, que vu que c'est comme un travail. Je sais pas. C'est un rapport différent. Bon, alors on met la barre haute pour cette prochaine émission. Jusqu'à 15 heures. Mes commentaires acérés. On a trop hâte de t'entendre là-dessus. Est-ce que tu as déjà fait un apéro avec mon autre invité musical de l'après-midi? Pense pas. Je pense pas non plus. Je pense pas. Non, non. Pourtant, vous vous connaissez très bien. Oui, oui. Ça va être une première apéritif. On va jamais virer de brosse ensemble. Non, jamais. Fort, fort qu'on fasse ça. Écoute. À soir. Alors, mon invité musical, le deuxième et non des moindres, Kid Kuna, s'il vous plaît. Bonne main d'applaudissements pour lui aussi. Salut. C'est tout un exploit de l'avoir avec nous cet après-midi parce qu'il l'a dit, il est entre deux spectacles au Pantoum, dont un qui affichait complet pour le lancement de ton cinquième album Métastase. Oui, je pense que c'est complet ce soir aussi. Là. Bon, bah, yeah! Yeah! Hell yeah! Bravo Kit, merci beaucoup de venir parce que sérieusement, t'as dû te coucher très tard hier. Oui, c'est très difficile, mais je suis content d'être là. Je suis content. L'horreur! Oui, c'est correct. C'est correct. Non, mais je te repose la question à la fin de l'émission. Être ici ou ailleurs en ce moment, ce serait tough, pareil. Le réveil a été difficile. On l'entendra. Je serais dans ma chambre au Beps Western à checker les highlights de hockey. Mais écoute, tu vas être en prestation pour nous aujourd'hui et on va te nourrir pour prendre des forces pour ce deuxième spectacle ce soir. Et je te pose la même question qu'à Lou. C'est quoi ton rapport avec la nourriture? Es-tu cuisinier ou plutôt gourmand? Ah, je suis plus gourmand. Je suis pas patient en général dans la vie. Donc, la cuisine, je pense que ça demande quelque chose. Ça demande un peu de patience, de prendre le temps. Puis ça, j'ai pas. Okay. Non, je suis pas patient. Mais je te rassure, aujourd'hui, on déguste plein de choses faciles à faire. Mais je suis gourmand, par contre. Bon. Je me rattrape. T'as la bonne place. Que des choses faciles à faire cet après-midi. Donc, ça va être l'avantage. Tu vas pouvoir repartir avec des idées. Alors, le thème de l'émission, oui, le terroir, mais en fait, tout est parti de la distillerie urbaine Apicole. Distillerie que vous avez peut-être vue dans le quartier Saint-Roch, sur le boulevard Charest. Ils produisent de l'hydromel, du gin, de la vodka, de l'eau de vie également, mais surtout du miel parce qu'ils ont des abeilles dans cette distillerie dans Saint-Roch. Donc c'est vraiment une ruche urbaine et on en retrouve plusieurs ruches de ce genre-là dans la ville de Québec. Je reçois mon invité Frédéric Dutille, copropriétaire de la distillerie Apicole. Bonjour Frédéric. Bonjour, ça nous fait extrêmement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ben, plaisir partagé parce que c'est toute une découverte. Je suis allée vous visiter sur le boulevard Charest et le milieu des abeilles, peut-être on en a entendu parler vaguement à l'école primaire, mais sinon, moi j'avais plus de contact avec ça. C'est un monde fascinant. C'est une mini-société, les abeilles, en fait. Oui, les colonies ont beaucoup à nous apprendre, je dirais, en termes de collaboration. Des abeilles qui travaillent d'arrache-patte pour, oui, nous procurer le miel que nous adorons et puis qu'on peut faire d'autres produits avec, mais aussi qui est une sentinelle de l'environnement. Hein. L'abeille a ceci de particulier, c'est domestique. Il y a des apiculteurs qui gèrent et puis qui s'assurent de leur santé. Et puis, lorsqu'elles sont dans un environnement pas propice aux autres insectes, bien, on le sait assez rapidement. Et puis, donc, on sait que pour les autres insectes, ça peut les affecter. Donc, c'est un insecte fascinant, mais aussi important, je dirais. Et quand on visite la distillerie, on voit la ruche. Oui, ruche d'observation qu'on a pendant toute l'année. On la conserve même l'hiver. Donc, on explique aux gens qu'est-ce qui se passe l'hiver avec les abeilles. Il y a beaucoup de, pas de préjugés, mais d'histoires autour de ça. Est-ce qu'elles dorment? Est-ce qu'elles meurent? Donc, on fait vraiment le tour là, des saisons avec les abeilles, avec notre ruche d'observation. Il faut savoir qu'une abeille, quand elle sort de la ruche pour aller butiner, sa durée de vie est extrêmement courte. Oui, ben en fait, c'est le travail de toute une journée, alors qu'il y a le soleil qui est son GPS, là, qui le permet de voguer. On peut penser, par certaines journées, certaines abeilles vont avoir 3 semaines de durée de vie, puisqu'elles travaillent beaucoup, et puis que leurs ailes, finalement, ben, vont s'abîmer avec le vol, lorsqu'elles transportent la moitié de leur poids, finalement. Et puis donc, elles ne seront pas capables de retourner à la ruche. Certaines, oui. Mais la reine, elle, a une durée de vie de 5 ans. Donc, si on peut être élu reine, ben, c'est probablement une bonne position aussi. Là. Mais il y a beaucoup de compétition dans la ruche, oui, effectivement. Pourquoi une distillerie urbaine? Ça, je pense, c'est la grande question. Et vous me disiez que, d'après vos recherches, c'est assez unique au monde, une distillerie en plein centre-ville. Oui, pas réussi à avoir les informations de la Chine ni de la Russie à ce propos, mais je pense qu'on est, nous sommes la seule et unique distillerie issue d'agriculture urbaine. Et ce que ça nous permet de faire, c'est de mettre en fonction 3 de nos valeurs. Bon, l'agriculture de proximité, donc on est vraiment très, très à proximité. L'éco-responsabilité, nos bouteilles sont éco-designées et puis il y a comme un dépôt de 3 $ là, lorsque les gens nous ramènent la bouteille, on leur retourne 3 $ et ces bouteilles-là sont lavées sur place, donc on est comme en circuit fermé avec nos bouteilles. Et puis aussi, c'est que les gens qui veulent faire de l'agrotourisme, puis ça, il y a beaucoup de visiteurs à Québec qui viennent faire de l'agrotourisme, plutôt que d'aller à se déplacer en auto en campagne, c'est super, là. Mais ceux qui n'ont pas ces moyens-là peuvent venir en trottinette, à pied, en autobus. On a un arrêt de la 800 juste en avant de notre distillerie. Donc, ça nous permet de vraiment mettre en fonction là, nos valeurs fondamentales. Alors, on va goûter l'hydromel. Oui, c'est votre produit vedette. Peut-être, il y a eu le miel en premier. Ouais. Puis, qu'est-ce que c'est l'hydromel? Est-ce que vous savez... Lou, avec tes connaissances incroyables. Lou, attends. Non, je rigole. Je te taquine. Je t'angoisse. Ben non, mais c'est un alcool avec du miel. Je pense qu'on a un début de réponse. C'est un bon début. Wow. Ouais, ouais, impressionnant. Ouais, au départ. C'est bien parti. Ouais. Ouais, ouais. Au départ, hydre, dites-moi. Eau, miel. Hydre, ça veut dire eau. Oui. Donc, c'est de l'eau au miel. Et puis, grâce à la magie de la microbiologie, il y a des fermes. Fermentation, levure de champagne dans ce cas-là, donc qui transforme le sucre en alcool. Et puis, donc, on peut varier ce taux d'alcool-là en fonction de la quantité de miel qu'on va y ajouter. Nous, on a un 10% qui nous donne vraiment un produit qui est, donc les gens vont pouvoir commencer à y goûter, là, qui est sec, puis qui est effervescent. Et puis, sans arrière-goût, sans amertume, on est vraiment dans ce qu'on appelle un hydromel de soif. On peut... normalement, on ne se limite pas juste à un petit verre. C'est ça qui est le danger, parce que 10%, ça peut aller loin, là. Mais, on dit aussi que c'est les hydromels, hein, parce qu'il y en a multitude. Il y en a des sucrés, il y en a des liquoreux. Effervescents, comme ça, c'est un petit peu plus rare, je vous dis. Ah, mais même moi, je vais pouvoir y goûter. Ben oui! Ah, c'est bien! c'est plus rare. Bien, avec ce type d'hydromel-là, ben, on peut faire mille et une choses. On peut s'en servir pour faire des cocktails. Par exemple, on peut mettre un sirop de framboise comme un kir royal un peu, là, l'étirer avec un petit sucré, un petit fruité, ou le boire comme ça, puis c'est très, très, très, très désaltérant. Est-ce qu'habituellement, il y a un plus gros... On a Miguel qui réagit. Ouais. Qui dit que ça tire un petit peu sur le whisky. Oui, ah ben peut-être qu'on lui a servi la mauvaise. non, en fait, ben il y a l'odeur du miel, hein? Oui. Il y a l'odeur du miel, il y a le goût du miel mais sans le sucre. Cet hydromel-là est relativement jeune, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 4 4 ou 5 mois. Et puis donc, c'est un hydromel de garde, c'est-à-dire que la levure est à l'intérieur. Ça veut dire qu'on la laisse à température pièce. L'alcool continue de se fabriquer, le gaz continue de se produire à l'intérieur de la bouteille et se conserve sans sulfite. Hein? Fait ça, il y en a plusieurs qui réagissent un petit peu mal avec ça. Donc, c'est sans sulfite, un alcool de garde, puis qui va se bonifier avec les années. Est-ce que d'habitude, il y a un plus haut pourcentage ou c'est comme, il y a comme plein de variétés d'hydromel, puis ça dépend? Oui, le plus bas, je dirais, c'est 4,5. Là, on appelle ça un session hydromel. Et puis le plus haut, ben en fait, moi, j'en ai vu des 15-16%. OK, dans ma tête, c'est plus fort que ça, mais peut, non, non, c'est non, quand ben, même en fait, plutôt... Le problème, c'est que c'est la levure qui vient un temps qu'elle nage dans l'alcool et puis elle aussi, elle a un petit peu de misère à travailler. Là. Elle est comme limitée. Moi, ce que j'aime moins dans ce genre d'hydromel-là, qui sont plus forts, puis nous, on n'en a pas, c'est que la levure est un peu stressée. Hein? Lorsqu'il y a trop de sucre, et puis bon, c'est comme nous, quand on est stressé, on sent des aisselles là, un petit peu. Là. Donc, ça donne des goûts qui sont un petit peu plus... un petit peu d'amertume. Sûr. Oui, un petit peu sûr. Oui, c'est sûr, exact. Kit Kuna, ouais. Je suis curieuse de savoir, dis donc, on avait soif. Ça se boit très bien, oui, ça se boit très bien. Effectivement, c'est un hydromel de soif, confirme. T'en avais déjà goûté avant? Oui. Tu te souviens? Oui. Oui. J'en bois pas souvent. Mais celui-là est particulièrement bon. Je me souviens d'en avoir goûté des hydromels que je disais, bon, c'est ça, ça devait être un hydromel d'aisselle ou quelque chose comme ça. mais chose qu'on oublie, hein, c'est que l'hydromel est l'alcool le plus vieux du monde. Hein, c'est que c'est vraiment avec ça qu'on a commencé les humains à faire la fête. Oui, c'est ça. Puis il y a de ça 20 000 ans quand même. Ah, ouais, oui. C'est tout à cause de lui. Oui. C'est à cause de les maudites abeilles. Ouais, oui, c'est ça. Ça a commencé là. J'invite le public à boire tranquillement parce que vous allez déguster d'autres spiritueux. On ne s'est pas arrêté là. De l'hydromel, vous avez créé une vodka. Je ne sais pas si c'était dans l'ordre, mais c'est dans l'ordre où on va déguster en tout cas. Oui. Donc distillerie, c'est ça. C'est ce qu'on a, une colonne, nous autres, de distillation ultra efficace qui nous permet d'aller chercher, d'extraire, si on veut, l'alcool de l'hydromel qui nous fait un alcool à 96%. Bien sûr, on le dilue pour le ramener à 40%. On veut pas faire de trous dans l'estomac. Mais ça nous donne une vodka qui est très, très aérienne, qui est très aussi douce en gorge. C'est vraiment ça que nous, on visait. Puis, ben cet alcool-là, ça va être la base aussi de plusieurs de nos autres produits. Pour faire un gin, ça nous prend une vodka, c'est la base. Fait que nous, on a un permis de distillation artisan, qu'on appelle. Il y a deux types. Il y en a un industriel, un artisan. Les artisans, c'est fait pour les agriculteurs. C'est fait pour les gens qui vont justement produire de la base le sucre, puis ils vont se rendre jusqu'à la fin du procédé. Là. Puis donc, si vous allez dans les milieux ruraux, vous allez en rencontrer de plus en plus. C'est pour ça qu'on a même une ferme en ville. Ça ne ressemble pas à une ferme telle qu'on l'imagine avec les animaux. Ben, quoique, il y a les abeilles, mais c'est une ferme urbaine, apicole. Oui, c'est une ferme. Puis on l'explique bien lorsque les gens arrivent. Puis parce que donc nous, on organise hein, des tours là, de c'est une activité agro-touristique, si on veut. Là. Et puis, selon l'époque que les gens vont venir nous visiter, ben des fois, j'explique, lorsqu'on arrive dans un milieu de production, là, plutôt que de dire « faites attention pour ne pas glisser », je dis plutôt « faites attention pour ne pas rester collé sur le plancher » parce que donc, lorsqu'on extrait le miel, ça devient extrêmement collant à terre. Mais ça fait partie là, de la vie apicole. Et puis, ben aussi, il y a des petites abeilles qui se promènent dans la zone de production. Là. Donc oui, effectivement, c'est la vie du monde agricole. Dans notre cas, ben c'est certain que le monde agricole, c'est saisonnier. Donc, l'hiver, on va plus se concentrer vers la production justement de spiritueux parce que, bon, un système de distillation, ça produit énormément de chaleur. Puis cette chaleur-là, ben, nous, on va la récupérer pour chauffer le bâtiment. Donc, on n'a pas besoin... Éco-responsable, une fois. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Ensemble, oui. Alors, Isabelle, tu peux y aller avec la vodka, tranquillement. Je sais que on démarre ça vite. Hein? Oui, ça va être une sale journée. Oui, ça va être une vraiment une grosse journée, je pense. Ouais. Je me suis dit que on va faire le jean un peu plus tard, Frédéric, oui. pour oui. permettre aux gens de s'en remettre, parce que là, je vois, ça s'excite ouais, déjà. C'est ça, ouais. Kit Kuna, vodka, c'est dans tes spiritueux que t'aimes bien consommer. Est-ce que t'en oui, as oui, préféré? Oui, oui, oui. Oui. Ça va bien passer. Il y en a peu que j'aime pas consommer. Avec quoi t'es gourmand? C'est quoi tes préférences? Je suis plus whisky, moi. Je suis plus. Il y a quelque chose qui s'en vient avec le whisky Kit Kuna. Je pense que tu vas être agréablement surpris. Cool. Je vais te demander. Bah tiens, pour Kit. Merci. Juste avant d'aller jouer. Voilà. Je vais jouer tout de suite après. Bah attends, ça, déguste. Ouais. On va dégustation directe, la vodka. On va avoir les commentaires. C'est bien. Mais je préfère très froid, moi, la vodka. Est-ce ouais. que ça se peut? Oui, oui, oui, tout à fait. Celle-là est température pièce, effectivement. Puis nous, normalement, on le sert froid. Là, j'avoue que j'ai été pris de court un petit peu. Il restait plus de place dans mon réfrigérateur. Donc, chose importante par rapport à la vodka, c'est vraiment la douceur en gorge, malgré que c'est 40%. C'est vrai qu'elle est très douce. C'est très bon. Donc, ça, pour se rendre jusqu'à cette douceur-là, mais ça prend vraiment l'équipement nécessaire. Nécessaire et ultra performante. Pourquoi? Parce que lorsqu'on distille, là, ben, en fait, je vous invite à aller faire une visite de distillerie. Il y a ce qu'on appelle une séparation de la première partie qui est le méthanol, que bon, si on boit ça, ça nous rend un petit peu aveugle et ça donne des très bons maux de tête. Lorsque c'est bleu, je le dis tout le temps, on fait du windshield washer avec, mais on le boit pas. Du liquide lave-glace. Et puis, donc après ça, il y a vraiment l'éthanol qu'on sépare. Puis après ça, il y a ce qui s'appelle les queues. C'est d'autres sortes d'alcool qu'il faut vraiment séparer. Sinon, c'est vraiment ça qui est comme si on buvait un camion de sable là, en même temps que notre vodka. Là. Donc, il faut que cette séparation-là soit très, très, très précise pour obtenir une vodka de cette qualité. Alors, on va laisser nos chers invités VIP et nos invités de l'émission déguster cette vodka. Kit Kuna, c'est déjà fait. Il est prêt à la guitare. Qu'est-ce que tu nous interprètes, Kit? Je vous interprète Au revoir, chanson de mon dernier disque. Mardi gras, à se remplir la pensée, se vider la tête, au milieu des fêtes, au milieu des farces, il faut construire des chars et des hélicoptères, pour boire de la bière et manger des vaches, une gorgée pour la suite, un morceau pour la route, en courant comme des bites entre les feux de brousse. On a fait le tour, on a vidé l'assiette, on nettoie la cour, on vire la cassette. C'est comme ça, comme disaient les ancêtres, en brûlant des sorcières, en coupant des têtes, en brisant des crânes, on descend la rivière et on verra plus loin. Si c'est mieux qu'hier, si c'est mieux que là, un pied dans l'avenir et un pied dans la fosse, entraînant les souvenirs en empilant les choses. On a fait le tour, on a vidé l'assiette. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, les cinémas Le Clap, leader en matière de diffusion cinématographique de qualité à Québec. Spécialisé dans la présentation d'œuvres marquantes, les cinémas Le Clap offrent à sa clientèle toutes les grandes productions de l'heure, qu'elles soient québécoises, américaines ou internationales. Du 15 au 18 juin, rendez-vous à Tadoussac pour la 39e édition du Festival de la chanson, présenté par Québec Or. De Ariane Roy à Vulgaire Machin, en passant par les Sœurs Boulay ou Gab Bouchard, tu trouveras ton bonheur dans la programmation. Laisse la magie de Tadoussac s'emparer de toi et viens profiter du seul festival où tu peux écouter des baleines la journée et des concerts le soir. Billets et passeports sur chansontadoussac.com. On se voit où? On se voit à Tadou. le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz fusion et du funk en programme double. Alain Caron, géant québécois de la basse entouré de 8 musiciens, présente un projet musical inédit où le groove est à l'honneur. Mark Lettery, guitariste virtuose, défend son plus récent album nommé pour un Grammy. Le 5 mai, Alain Caron et Mark Lettery Group en exclusivité au Palais Montcalm. Détails au palaismontcalm.ca. La pharmacie Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel de Limoilou est fière de s'associer au Radioton de CKRL et de l'Encan Interactif. En prévision de la saison estivale, nous vous invitons à venir découvrir nos produits, entre autres, notre sélection de crèmes solaires pour tous les types de peau afin d'être bien protégés. Notre équipe sera vous conseiller selon vos besoins. Uniprix, Nancy Champagne et Maud Amel Limoilou, 88-523-1000. Au plaisir de vous rencontrer. Merci de passer la journée et la fin de semaine avec CKRL. L'Encan est bien sûr encore ouvert jusqu'à ce soir 20h. Il vous reste un petit peu plus de 6 heures pour miser sur ces lots. On continue de découvrir l'ensemble des 100 lots qui sont présents à l'Encan de CKRL cette année. Du côté artistique, Louli, on a deux lots et deux œuvres qui sont faites par le caricaturiste André-Philippe Côté, qu'on connaît pour ses caricatures, mais qu'on connaît peut-être un petit peu moins pour ses œuvres autres que les caricatures. Exactement. Donc, les lots 76 et 77 des œuvres d'André-Philippe Côté, donc « Autant perdu » et « Les oies en groupe », d'une valeur de 1 200 $ pour « Autant perdu » et de 1 400 $ pour « Les oies en groupe ». Pour l'instant, les mises sont de 400 et de 625 $. Donc, vous pourriez vous acheter une œuvre en encourageant CKRL, en encourageant l'artiste à un prix encore très bas. Exactement, puis vraiment pour cette fois-ci quelque chose d'extrêmement original puisque on le connaît pour ses caricatures, puis là hop, on a quelque chose qui est tout à fait différent. On continue aussi du côté, alors c'est comme un package, on pourrait dire ça, puis là on pourrait dire ça, c'est Jason Duval qui va nous rejoindre. Salut Jason. Allô. Ça va bien? Ça va très bien. Ben oui, encore bravo pour ton émission un matin. Merci beaucoup. Et l'entrevue avec Daniel Lavoie. Merci, c'était un vrai bonheur. Ouais, c'est vrai, on a pris du plaisir à l'entendre aussi. Là on parle cette fois-ci d'un autre de tes talents, tu es artiste aussi. Oui. Ben, je fais du portrait, des dessins, etc. Donc, Et tu contribues à l'Encan CKRL en à mettant chaque année, à chaque année, ouais, c'est ça. Tu fais les portraits des porte-paroles. Exactement, ça fait depuis que je suis arrivé, donc en 2018, que je fais le portrait des porte-paroles. Et cette année, ben, en plus d'aller pouvoir manger avec elle, avec Paul-André et Lou-Adriane, ben, vous avez deux portraits signés des porte-paroles de CKRL 2023. Exactement. On m'a dit, je ne citerai pas mes sources, on m'a dit qu'il avait fallu s'y reprendre à plusieurs fois pour faire Lou-Adriane. C'est Paul-André. C'est Paul-André, Paul-André, okay. Est pas évidente à faire. Elle a un visage fantastique, mais j'ai eu beaucoup de misère. Très bien. Pour découvrir ses œuvres, on peut les retrouver sur le site de CKRL. Vous avez le lien vers l'Encan. Et en l'occurrence, c'est le lot numéro 96. Le tout, donc la rencontre, le moment au Chicho Café, plus les deux œuvres sont à retrouver donc sur le solo. Mais cette valeur, je voulais dire, une valeur de 300 $, c'est ça? Oui, et je rappelle que c'est des tables d'hôtes ce souper. Qui est table d'eau, ah oui, complète. Et donc la valeur de 300 $, la mise actuelle est de 160, donc il y a encore de quoi se gâter, finalement, avec un excellent rabais encore une fois. Et on rappelle que 300 $, c'est la valeur du restaurant, et ainsi de suite, mais reste que l'étoile, c'est difficile de mettre un prix. Très bien, on continue de parcourir les œuvres et tous les lots qui font partie de cet encan dans une poignée de secondes. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, ici Jean-Yves Duclos, député de Québec. Merci pour ce beau moment de partage sur les ondes de la plus ancienne radio communautaire francophone au monde. Une radio qui met en valeur notre communauté à travers des idées créatives, de l'animation culturelle et de l'information critique et pertinente éclairant de nombreux regards sur l'actualité et la société. Une radio qui se veut indépendante, multiculturelle, diversifiée et inclusive de toutes et de tous et de tous les groupes communautaires. Une radio composée d'une équipe talentueuse, engagée et déterminée. Une radio dont on est fier. Merci et bon Radioton. La seule chose qui arrête jamais, c'est le temps. Hey! On continue! Bonjour, je m'appelle Daniel Boucher, j'écris des tunes. CKRL est une des premières radios qui a fait jouer mes tunes à Québec. Mais le temps, lui, il arrête jamais. Mon soleil. Et je le sais que c'est de même pour plusieurs artistes qui arrivent. CKRL est en plein Radioton. Donnez un coup de main à CKRL pour permettre à d'autres nouveaux artistes d'arriver à vous autres. Dans le cadre du 39e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, CKRL est fier de collaborer à la présentation du concert de Guy Thouin et l'Ensemble Infini le samedi 20 mai 2023 à 15h. Pour tous les détails sur le 39e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca. Parce que la famille, c'est important, et les activités en famille aussi, s'il en est une, c'est notamment le Festivent. Et justement, on vous offre un forfait familial pour deux adultes et deux enfants, édition 2023. Ça fait partie des lots de l'Encan cette année, et c'est le lot numéro 79. Ainsi que le lot 80. Et oui, il y en a deux. Bravo, merci de me le rappeler. Et c'est une valeur en tout de $175, la mise à prix actuelle est de... $85, donc encore une fois, pas très cher pour une activité familiale. Excellent. Puisqu'on parle d'activités familiales, là aussi, les activités familiales peuvent être gourmandes. Si vous voulez aussi vous faire plaisir avec la boîte à pain, c'est 4 succursales à Québec, du côté du Grand Marché, à Saint-Jean, Saint-Roch et puis à Limoilou. Il y a plein d'affaires, des sandwichs, des viennoiseries, des pâtisseries, 40 sortes de pains, des pizzas aussi. Alors justement, puisque la boîte à pain, la succursale de Limoilou, juste à côté de la radio, j'ai été me renseigner, j'ai posé la question au pizzaman de savoir c'est quoi lui sa pizza préférée. Alors moi, je suis très branché sur l'alsacienne. Béchamel, parmesan, bacon, poireaux, mozzarella. Une très, très bonne pizza pour moi. Voilà. Donc, si jamais vous voulez vous faire plaisir à coup sûr, prenez l'alsacienne. Mais il y a évidemment plein d'autres pizzas à découvrir. Au niveau de l'Encan, le certificat cadeau qu'on a est d'une valeur Donc, encore une fois, c'est deux lots, le lot 55 et le lot 56, d'une valeur de $50. La boîte à pain, les mises sont déjà dépassées la valeur. Oh. Mais quand même, vous pourriez soutenir CKRL en continuant de vous faire plaisir, acheter certificat cadeau et contribuer eh bien, à la vie de CKRL tout simplement et au soutien culturel de la ville de Québec à travers tout ce que CKRL fait, les retransmissions, les émissions, bref, plein de choses. J'ai plein de choses qui viennent en tête, j'aurais pas le temps de tout vous citer. Justement, parmi ces initiatives, on est au cœur de cette émission, c'est l'apéro du terroir avec Apicole. On va parler fondu, on continue d'en parler avec nos artistes aussi et Jesse Caleb, tout le monde autour de son micro dans quelques secondes. Salut, c'est Francesca Coco Méliès. On est en plein cœur du Radioton. Et c'était hyper important pour nous d'être là parce que la radio, c'est le pont entre vous, les auditeurs, et nous, les artistes. C'est la façon la plus rapide d'entrer en connexion avec vous. Donc voilà, donnez généreusement. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse des Jardins de Limoilou et de Première Ovation. La Caisse des Jardins de Limoilou est fière de s'associer au Radioton des 50 ans de CKRL. Un événement radiophonique majeur et essentiel pour la croissance d'un média local de grande qualité pour notre communauté. La Caisse remercie ses 43 000 membres qui ont rendu possible le versement de près de $700 000 dans Limoilou en 2022 et qui bénéficient au développement des organismes culturels et sociaux tels que CKRL. Félicitations à tous les artisans et bénévoles qui contribuent au succès de la station et soyez généreux! bienvenue dans notre apéro du terroir radiophonique, hein, on peut le dire, puisqu'on vous décrit tout ce qu'on mange et tout ce qu'on boit lors de cette émission qui a lieu jusqu'à 15h. Mon nom est Jessica Leb. Évidemment que je suis contente de vous accompagner dans ce rendez-vous gourmand et musical, toujours avec nos invités Lou-Adrienne Cassidy, porte-parole, co-porte-parole du Radio Temps, Kit Kuna, qui vient de briser la glace, chanter pour se réveiller. Oui. Ça donne une belle journée. Tu nous as dit ça hors d'onde. Hein. Chanter, ça réveille. Oui, ça chante, ça réveille. Ouais. Comment se passe ta dégustation d'hydromel? Ça se passerait bien. Ça se passerait bien. J'ai encore le goût de déguster. Mais t'inquiète pas. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Et en plus, tu nous confiais, Kit, hors d'onde aussi, que t'aimerais ça avoir des ruches. Oui. Ben oui. Pourquoi? Ben oui, parce que j'ai un petit endroit, j'ai une petite terre. Vieille affaire là, de famille. Puis il y a déjà eu des ruches, là, puis là, il n'y en a plus. Puis là, je me disais, ce serait cool d'avoir des ruches. Là, puis, ben, c'est un autre projet. Parmi les mille et un projets. Frédéric, est-ce que c'est facile à partir? J'imagine tu te fais souvent poser la question. Là, je veux une ruche, est-ce que c'est facile? Ben, facile. Il n'y a rien de facile, je pense. Hein. C'est pas un animal domestique, c'est 20 000 animaux domestiques hein, dans une simple ruche. Mais qui fonctionne comme un seul et même individu, par contre. Ouais. Oui, puis il y a des organisations qui sont spécialisées justement pour démarrer des gens là, qui veulent avoir des ruches à la maison. Il y a les voisines dans Limoilou là, qui sont très, très bien. Ils ont tout l'équipement. Ça reste un investissement hein, assez important. Pour avoir une ruche, là, on s'embarque dans quelque chose de 650 $ à peu près pour partir. Puis là-dessus, ben, on n'a probablement même pas le saut pour l'habit de l'apiculteur, pas l'extracteur à miel, pas les petits pots. Puis, Ah, c'est un projet, hein. Ouais, c'est pas une activité rentable. Mettons deux, trois abeilles. Ouais, une autre. Ouais, c'est ça. Mais c'est une autre activité. Mais c'est une activité de plus ou de moins. C'est une activité extrêmement passionnante, extrêmement enrichissante de par le fait que quand on fait ça, on ne pense pas à rien d'autre, hein, parce qu'il faut vraiment être concentré. On découvre mille et une choses. Et puis le métier d'apiculteur est avant tout un métier d'observation. On sent, puis là c'est le cas moi de mes ruches là, qui sont en ville, là. Je regardais ça au Technoparc, là, il y avait un paquet d'abeilles qui rentraient avec du pollen aux pattes. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a une reine qui pond. Et puis donc, si la reine pond, c'est que tout le monde fait son petit boulot, et puis on n'a pas besoin de s'en préoccuper. Hein? Donc on laisse ça aller, puis on revient dans une semaine et demie, une, deux semaines, puis voilà. Alors, il y a un produit qu'on va déguster en primeur aujourd'hui pour le Radioton de CKRL. On vous en a parlé sur nos événements, nos communications. C'est une fondue à l'hydromel. Alors, on va vous en parler plus en détail dans quelques instants. Mais avant ça, le public est en train de se faire servir une fondue au gin parce que c'est la spécialité de mille et une fondues qu'on reçoit aujourd'hui. Ils ont déjà travaillé avec, je sais pas si je peux dire, plusieurs dizaines de microbrasseries, de spiritueux pour créer des fondues à base de fromage québécois. On en parle avec Jean-Yves Lapointe qui est propriétaire de Mille et Une Fondues. Bonjour Jean-Yves. Bonjour. Alors voilà, ça arrive jusqu'à nous, crouton avec du fromage. Raconte-nous Mille et Une Fondues. Ça c'est bien parce que ça démythifie le fait qu'on n'a pas des bons fromages au Québec. C'est tout le contraire là que vous nous prouvez avec cette fondue. Oui. Oh, avec les doigts, Lou. Oui. La misère. Ça va aller. Oui, c'est tout le contraire. On en a d'excellents, plus de 300 maintenant au Québec. Alors Mille et Une Fondues, on est gâtés, on est héritiers dans le fond de cette expertise, on bénéficie de cette expertise-là pour créer nos recettes de fondue au fromage du Québec. Comment ça a démarré de se dire, bon, on prend un fromage québécois, je pense que vous avez commencé avec la bière? Oui, mais bien avant ça, en fait, ça a commencé ici, dans le Vieux-Québec, il y a 39 ans. OK, pour voir comment c'est pas d'hier, oui. Oui, non, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Dans un restaurant suisse, le Café Suisse, sur la rue Saint-Anne, près du Château Frontenac, pendant 20 ans. Donc, nous étions restaurateurs à temps plein, 8 jours, 10 jours par semaine, évidemment, comme c'est le cas encore pour beaucoup de nos confrères restaurateurs. Et la passion pour la fondue a commencé là, puis avec des voyages en Suisse, en Europe, pour développer cette expertise-là. Et déjà, on avait le sentiment qu'il manquait et qui manquait des produits prêts à cuire que les gens puissent consommer à la maison sans avoir à acheter des fromages, les râper, puis à 90% du temps les rater en bon français. Donc on avait déjà cette petite étude de marché là qu'on en faisait, mais le restaurant nous demandait tellement d'énergie, 350 places, 125 employés. Comme ma fille Caroline et associée dit souvent, on met du feu sur la table, nous, dans un restaurant de fondue. Donc, on a vendu ce restaurant et on a acheté la Grola sur la Côte d'Abraham, qui est tout près d'ici, que vous connaissez, où on était encore propriétaire pendant 10 ans. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu réussi à trouver une 7e journée pour travailler ce projet-là. Et ça fait, on a quand même eu le restaurant pendant 10 autres années. Et depuis 15 ans, bientôt maintenant, on est installé dans le Bourgneuf. On a une usine laitière, un peu comme Apicole. Et c'est un petit peu inhabituel de voir des ruches sur Charret. Mais c'est inhabituel aussi de voir des vaches dans le Bourgneuf. Alors souvent, je symbolise, Fromage d'ici, Aliments Québec, qui sont nos partenaires, souvent nous demandent, vous avez qu'on... Non, on n'en a pas, on a un stationnement en arrière, nous, mais si on avait une fromagerie, la quantité de fromage que l'on utilise, on aurait environ 125-150 vaches dans le stationnement. Bon. Dans le Bourgneuf. Dans le Bourgneuf, voilà, près des galeries de la capitale. Alors voilà, c'est là que ça a commencé finalement. Bon, pour répondre à la question. Mais alors là, cet après-midi, on déguste des fondues particulières, la fondue au gin à la violette. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu, puis on va avoir les... Très bon. Donc, Kit, ça y est, réaction. C'est ça, je suis vraiment top shape. J'ai bien fait de venir ici. Finalement. Ça a sauvé ma journée. Je me demandais si c'était ça qu'on appelait. C'est le gin violette, hein? Oui, c'est ça. C'est le gin violette qui est un gin floral, alors fleur sauvage de la Mauricie, qui est fabriqué par la distillerie Mariana, ouais, qui est à Louisville, qui s'en vient à Trois-Rivières, qui est en SAQ. J'ai acheté cette bouteille à la SAQ. Alors, c'est un gin floral. On est arrivé au gin après avoir commencé avec le vin. On est allé en progression comme on fait un peu en dégustation. Mais tout ce que je parle là, il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, là. Alors, on a commencé au départ avec une fondue plus traditionnelle au vin. Les gens étaient peut-être pas prêts à avoir une fondue au gin à ce moment-là. Rapidement, un an plus tard, à peu près 2010, on a commencé à travailler avec les bières de microbrasserie. On voulait aller un petit peu plus loin. L'effervescence des microbrasseries se faisait sentir comme on a vu dans les fromageries. Ça suivait un peu cette tendance. Alors, on a commencé à travailler avec des bières de microbrasserie. On en a actuellement une 30aine de microbrasseries à travers la province avec qui on développe une fondue avec la bière. Donc, c'est un produit qui est très, très local. On est local partout. Nous, on est local aussi bien à Tadoussac qu'à Val-d'Or, à Sept-Îles, donc en Gaspésie, Carleton, etc., en travaillant avec les microbrassés. Donc, on a développé de l'expertise aussi là-dedans jusqu'à un certain point. On a goûté des bières de microbrasserie. Et par après, on voulait aller un petit peu plus loin. On a travaillé avec le cidre. Ça fait déjà 5 ou 6 ans. On a une excellente fondue avec le cidre Jaudoin, Michel Jaudoin, qui sont à Rougemont, 5 générations de cidre. Donc, ce sont des experts. Ce sont des pionniers aussi. Et qui est avec un cidre rosé pétillant. Donc, on essaie de trouver toujours des niches un petit peu particulières, ce qui sera le cas avec Apicole, finalement. Donc, le cidre, par après, ça en est suivi presque durant la pandémie, le gin violette, parce qu'on voulait se démarquer un petit peu aussi, aller dans ce marché-là. Et plus récemment, septembre, l'été dernier, au whisky, avec la distillerie Kit Kuna est heureux. Tu vas pouvoir écouter Kit tout à l'heure, alors on va pouvoir goûter à la fondue au whisky, le whisky 3 grains de la distillerie Saint-Laurent à Rimouski. Donc, ce sont des produits très niches. On a le choix des whiskies, des gins, des vodkas au Québec. L'apicole est arrivée dans notre vie officiellement peut-être en février dernier. C'est quand même assez récent, mais ça nous titillait le vin, l'hydromel. Depuis 2 ans, je dirais, durant la pandémie, c'est un projet qu'on avait un peu regardé, mais on n'était pas rendu là, puis on n'avait pas... ça ne donnait pas dans les cartons, si je peux dire. Jean-Yves, excuse-moi, oui? Je propose qu'on parle de la fondue à l'hydromel quand tu vas nous la servir, parce que je pense qu'il y en a un qui veut bien goûter la fondue au whisky, et on va l'entendre jouer également. Attends, Kit, avant ça, l'album Métastase, lancement en fin de semaine. On le rappelle, il y a eu un spectacle hier soir au Pantoum. Il y en a un ce soir. C'est complet. Le public est au rendez-vous. Ouais. Tu penses? Bon, ouais, je pense. Mais il y a du monde. Il y a du monde, quoi qu'il en soit. Cinquième album. Ça fait déjà 11 ans, là, parce que ton précédent album solo, Du plaisir et des bombes, il y a eu les goules. Il y a eu les goules, il y a eu Kid Koala, mais. Il y a eu Kid Kuna, ça. Comment tu vis ce retour? C'est un album très éclectique, faut le dire. Tu t'éclates, accordéon, punk comme on te connaît aussi. Oui, c'est un buffet, en fait. C'est un buffet, une palette de dégustation, comme aujourd'hui, là. Comme ça. J'aurais pas appelé ça Radioton. Parce que ça se passe au Radioton, évidemment. Kit, écoute, on va t'écouter. Je sais, il a un match des Remparts à 15h. Ben oui, c'est mon bassiste qui m'a booké ça hier. Ça va te réveiller pour ce soir. Une drôle de journée. Okay. Parfait, c'est parfait. Vas-y pour une ou deux chansons selon le temps. Et puis on applaudit Kit Kuna, mon Dieu. Quel réveil! Quel réveil pour ce lancement de l'album Métastase. Lou, t'as fait quelques chœurs d'ailleurs sur cet album. Oui. Ce soir, on va avoir la chance. Je pense que Lou va être là avec Ariane Roy et Odile. Odile Marmette Rochefort. Qui ont fait les voix sur l'album, donc on va se gâter. Puis ouais. Fred Desroches aussi va être là. Donc à ce soir, ça va être encore la un team, bon, là, gros party. Team. Mais ouais, on était les trois girls de bac de la ville de Québec. On aime bien ça, chanter ensemble. Puis Ariane puis Odile. Ben Odile accompagne Ariane. Sur scène, moi, je chante souvent avec Ariane. Odile s'est rendue ma bonne amie. Fait que les trois, on aime bien ça, mêler nos trois voix. C'est les meilleures chanteuses. Au monde, je pense. Je pense qu'on est les meilleures au monde. Une bonne main d'applaudissement pour Kit Kuna, s'il vous plaît. Ah, ah, ah. Je ne sais plus qui de moi me déprime, ou le maître, ou l'esclave, ou l'autre qui règne. Dans un coin de mon âme, en prenant ses ailes, je ne lui rends. Je ne sais plus qui de moi me fatigue, ou le pitre, ou le lâche, ou l'autre qui traîne. Dans un coin de mon âme, en faisant des siens, gentil serpent, vile brebis. Je ne sais plus qui de moi me châtie, ou le prêtre, ou le diable, ou l'autre qui mène. Dans un coin de mon âme dorment les bêtes. Dans un après. Je soigne je ne sais qui en convalescence, en convalescence dans mes bras. Je soigne je ne sais qui en convalescence, en convalescence dans mes bras. Libre penseur, simple d'esprit, je ne sais plus qui de moi me défie, ou le singe, ou le sage, ou l'autre qui m'aime. Dans un coin de mon âme, posant des pierres. Merci beaucoup, c'est CKRL. Hey, j'ai fait de la radio, c'est CKRL, hein? Ouais. Raconte-nous ça, Kit. C'était ouais, je faisais quoi, de la radio, je pensais de la musique franco, ça, en fin d'après-midi, ça, un genre de retour à la maison. C'était avant Mathieu Dugal. Quand même. Ouais, ça fait un bout. C'est pas rien. Ouais. Pourquoi il faut encourager. Encourager cette merveilleuse radio. Je pense que. 50 ans, ça arrive juste une fois. En plus. En plus, ça arrive juste une fois. Donner généreusement. Ouais, donner généreusement. Faut que. Une chance qu'il y ait des radios comme CKRL. Sinon, on jouerait jamais à radio. Tomber dans le décor comme une imposture. Et à tout jamais, et à toute allure. Nager dans la fosse avec les brochets. Toutes les tonnes de cul ont un goût de déprime, pis les tonnes d'amour, du fromage dans les lisses, ou ben c'est trop mou, ou ben c'est trop frais. Allez, Marilyn, allez, mort, allez, Marilyn. Se trouve à remonter l'appel dans une course de fou pour gagner de l'oseille puis finir dans le mur avec des projets. T'as les yeux qui montent et les seins qui frémissent quand je cherche le nord au milieu de tes cuisses. Quand je vais partout avec mes collets. Allez, Marilyn, allez, mort, allez, Marilyn, allez, mort, mort dans ma mine. J'ai le force de jouer de la pelle, pis tailler des cailloux pour te dire je t'aime au lieu de faire le fou avec les gazelles. Toutes les tonnes de cul ont un goût de déprime, pis les tonnes d'amour, du fromage dans les lisses, ou ben c'est trop mou, ou ben c'est trop. Merci. Reviens, Kit. Faut que tu goûtes ta fondue au whisky avant de partir. Elle arrive jusqu'à toi. Lou, impression. Oh mon Dieu, elle a collé son verre de vodka. Shooter. Non, mais c'est ça parce que je disais. Mais là, j'ai plein. Parce que ça, je disais tantôt en ronde, je disais que c'est vraiment le fort d'habitude. Pour vrai, je tousse. J'aime pas ça. Ah oui. Puis c'est vrai que la vodka est tellement. Est tellement douce, là, puis c'est comme, on dit ça, puis là, moi, j'étais comme, oui, puis là, je vais quand même tousser, puis là, finalement, je tousse pas, je trouve ça bon, j'apprécie, fait que c'est exceptionnel, dans le fond. C'est une réussite, ça, Frédéric. Vraiment bon. Ben, oui, surtout venant de la plus grande critique culinaire du Québec, du monde. Mon statut, je pense que c'est vraiment trop. J'avoue que j'avais vraiment beaucoup de pression en début d'émission, mais là, je commence à fou. Vous écoutez le Radioton de CKRL. Partenaire majeur du Radioton de CKRL, Audiolite est le spécialiste incontesté de la haute fidélité à Québec depuis 50 ans déjà. Des conseillers compétents et passionnés sauront faire de votre visite une expérience d'achat hors du commun. Service après-vente exemplaire et prix compétitif. Audiolite.qc.ca. La Maison de la coopération et de l'économie solidaire de Québec vous offre 4 salles en location qui vous permettent de tenir vos rencontres en présentiel, en virtuel ou les deux à la fois. Elles peuvent accueillir de 10 à 100 personnes et ce, 7 jours par semaine. Disposition modulable, plafond haut, proximité des transports en commun, parc à vélo intérieur, stationnement facile et Wi-Fi. Pour plus d'informations ou pour faire votre réservation, visitez maison.coop. Écoute-moi, écoute-moi. Ici Paul André. Et Lou Adriane Cassidy. Ça nous fait plaisir d'être porte-parole du Radioton cette année pour le 50e anniversaire de cette extraordinaire, unique, essentielle, fantastique radio qu'est CKRL. Vous aimez la danse traditionnelle ou voulez vivre une expérience nouvelle? Le réseau des veillées de danse au Québec propose des soirées avec caleurs et musiciens dans différentes localités de la grande région de Québec. Découvrez ou redécouvrez les 7 carrés, quadrilles, contredanses, cotillons et valses en passant un moment intense entre amis ou en famille. Êtes-vous game d'essayer du nouveau? Accessibles tout au long de l'année, ces soirées de danse folklorique se tiennent dans toutes les régions du Québec. Rendez-vous au veillées-danse.québec. Un projet du Conseil québécois du patrimoine vivant, réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Du 24 juin au 19 août, un vent de découverte se lève sur le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Voyagez grâce à des rendez-vous symphoniques puissants, du jazz à couper le souffle, de la danse contemporaine vibrante et des sculptures monumentales dans l'un des plus beaux sites de la région. Laissez-vous porter par un lieu exceptionnel où les coups de cœur se succèdent. Cet été, vivez l'effervescence de la découverte au Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Planifiez votre envol dès maintenant. Et pendant que les invités et le public de Jesse Caleb ont la chance de pouvoir déguster, ben nous, on continue de passer à travers les lots de l'encan CKRL. Il y a beaucoup de choses, 100 lots en tout, jusqu'à 20h ce soir pour miser. Et là, je donne un numéro de lot, Louli, et t'as 3 secondes pour trouver ce que c'est le numéro 58. C'est l'Orchestre Symphonique de Québec. Excellent, bonne réponse. Et qu'est-ce que ce lot nous permet de gagner? Un forfait de 4 billets d'une valeur de 305$. Quand même, la mise à prix est de combien pour le moment? 270 pour le moment, vous pouvez encore miser plusieurs fois. Excellent, un petit moment d'extrait justement de l'Orchestre Symphonique de Québec. À découvrir pour les amateurs donc, avec ce lot numéro 58. On change d'univers, on quitte l'Orchestre Symphonique pour aller direction le Théâtre de la Bordée avec là aussi des billets qui sont regroupés dans un lot. Exactement, donc 8 billets, une valeur de 320$ cette fois-ci. Donc le lot 59, le Théâtre de la Bordée. On est rendu à 270$ pour la mise actuelle et je rappelle que c'est une valeur de 320$. Et puis nous avons aussi le Festival d'été de Québec qui fait partie des partenaires de cet encan 2023. On le sait certainement que les billets pour le Festival d'été sont maintenant rendus introuvables, ils sont tous vendus, mais grâce à l'encan de CKRL, vous pouvez encore trouver, et bien peut-être ce qui vous permettra de profiter de l'ensemble des concerts, le pass pour tous les soirs du Festival d'été de Québec. C'est une valeur de 280$. Exactement, puisqu'il y a 2 laissés-passer, donc vous n'irez pas seul, vous avez 2 laissés-passer pour aller au festival. Bah oui, 380$ pour le moment la mise à prix, mais vous pouvez encore monter, ça fera un soutien de CKRL et ça vous garantit d'avoir de vrais billets pour le Festival d'été de Québec. À vous de jouer, c'est le lot numéro 95 et pour miser, c'est ckrl.qc.ca ou alors le 418-640-2575. Bonjour, ici Julie, votre députée de Beauport-Limoilou. CKRL, c'est un véritable bijou pour notre communauté. Un bijou de culture et d'informations critiques importantes pour vos oreilles, pour votre esprit. CKRL mérite notre soutien à tous. Ça nous permet de découvrir et de redécouvrir les talents d'ici et d'ailleurs, tant francophones que de toute autre langue. Laissez votre esprit naviguer au rythme et au son de CKRL, la radio d'ici. Tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois plus, tu me vois, tu me vois, tu me vois plus. Salut, c'est Émile Procloutier. CKRL est en plein radioton, c'est le temps de faire vos dons ou bien de devenir membre. Soyez donc généreux. C'est le moment de miser sur les 100 lots du Radioton 2023 de CKRL. Rendez-vous sur macause.com/CKRL. Et puisqu'après tout, ils sont en pleine dégustation dans le grand studio cabaret de CKRL, on s'est dit que nous aussi, on pouvait faire un segment thématique resto. Et quels sont tes choix, Louli, pour cette fois-ci? Alors, j'ai choisi le lot 85, une belle variété, en fait, parce que ça vient avec une boîte cadeau comprenant un coffret eau de vie, donc différents cocktails d'une valeur de 100$, ainsi que 100$ en certificats cadeaux qui sont valides à l'atelier et aux filières, donc un choix de restaurant. Deux restaurants, ouais, c'est ça, deux restaurants différents. Exactement, donc le 100$ tous dans un, ou 50$, 50$, ou comme vous voulez. Donc, vous avez eau de vie, atelier, aux filières dans un seul lot. D'une valeur de 200$. Et dont la mise à prix actuelle est 230$, ce qui fait encore un peu plus que 30% de rabais. Ça vaut le détour. Autre choix de resto est parmi les partenaires fidèles de l'Encan de CKRL depuis plusieurs années, le restaurant Le Pied Bleu, qui est sur la rue Saint-Vallier, avec là aussi un certificat cadeau. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont trois lots cette année, donc le 92, le 93 et le 94. Trois certificats cadeaux d'une valeur de 150$. Chacun. Exactement. Chacun. Et à savoir que Le Pied Bleu propose évidemment ses spécialités, comme la quenelle, les assiettes de charcuterie, le boudin, et la nouveauté aussi depuis quelques jours, quelques semaines, c'est aussi les spécialités de fromage à découvrir. Donc même si vous y êtes déjà allé, eh bien avec cette nouveauté à découvrir, c'est l'occasion d'utiliser ces certificats cadeaux. 150$, il y en a trois. Rappelle-nous les numéros de l'eau, s'il te plaît. Le 92, le 93 et le 94, effectivement, maintenant, ils font le fromage eux-mêmes au Pied Bleu directement. À découvrir donc ckrl.qc.ca pour miser et profiter de ces lots-là. Il y en a plein, il y en a 100 en tout jusqu'à ce soir, 20h. La suite, eh bien, c'est le radioton de CKRL qui se poursuit. Jessica Leib et ses invités en musique et tout en dégustation aussi. Elle est en onde encore pendant une trentaine de minutes. Salut, Angel Forest ici, c'est la Radio Temps CKRL. S'il vous plaît, soyez généreuse. Bienvenue. Welcome. Vous êtes arrivé à temps et vous aviez les moyens de vous acheter votre billet pour l'espace extérieur avant que tout s'achève. Voilà, c'est la fin du monde. Il n'y a pas de raison d'être triste. Grâce aux avancées scientifiques, nous pourrons éradiquer la mort, nous cloner et tenter de changer notre destin. Destin. On décolle illico. Asseyez-vous confortablement. Ça va décoiffer. Les chroniques de Peter Sanchidrian, un texte de Rosé Padilla, dans une mise en scène de Nancy Bernier. Une production des finissantes et finissantes du Conservatoire d'art dramatique de Québec, en collaboration avec les étudiants en composition du Conservatoire de musique de Québec. En salle du 9 au 13 mai, pour plus d'informations ou pour acheter vos billets, consultez leconservatoire.gouv.qc.ca. Cette journée du Radioton de CKRL vous est présentée par la Caisse de Limoilou et Première Ovation. Vous êtes un artiste ou une artiste de la relève de Québec ou de Wendake? Première Ovation peut vous soutenir en vous donnant les moyens de créer et de vivre vos premières expériences professionnelles. Plusieurs programmes d'aide sont offerts dans 13 disciplines artistiques. Art littéraire, art multi, art numérique, art visuel, médiatique et métiers d'art, cinéma, cirque, danse, design, musique, patrimoine et théâtre. Tous les détails au premièreovation.com. Annonce, je suis en train de perdre tout le monde présentement. C'est l'apéro du terroir jusqu'à 15h sur les ondes de CKRL. Et écoutez, on a tellement mangé, bu, voilà, c'est dimanche après-midi que j'ai pas annoncé une information importante quand même. Puis Lou, je suis désolée, entre deux bouchées, c'est toi qui vas avoir cette dose-là. Vas-y, prends ta bouchée. Non, je vois. Mais je vous rappelle, pendant l'événement de financement de CKRL Radioton, le but, l'objectif, là, ce soir, à 20h, c'est qu'on ait récolté 50 000$ ou plus, 50 000 comme 50 ans, hein, tout est dans tout. Et là, Lou, j'ai envie que tu me dises, à 14h, CKRL a récolté quel montant? OK. À 14h, CKRL a récolté 33 150$. T'as bien fait ça, Lou, merci. Ce soir, on va te le faire dire souvent, je te le dis. Ah, c'est ça. Hein. Merci beaucoup. Comment se passe ton après-midi? Très bien, je suis très heureuse. Là, je suis venue en panique parce que j'étais en train de me faire une petite assiette d'un charcuterie et d'un fromage. Ça veut dire que ça va bien, je pense. Ben oui, quand même. Ça veut dire que je suis heureuse. T'inquiète pas, on va demander à Francis ou Isabelle de t'aider à regarnir ton assiette d'ici 15 heures. Non, mais parce que je sais que t'as pas pu tout goûter. Ben ouais, c'est ça. Alors, les assiettes de charcuterie, fromage sont servis par le Bingard cet après-midi. On va en parler tout de suite, hein, parce que je pense que c'est là que les gens sont rendus. Alors, on reçoit Simon Desilets, qui est copropriétaire du Bingard. Salut, Simon. Bonjour à vous. Oh, quel dynamisme, j'adore ça. Certainement, j'attendais ce moment-là de pouvoir enfin passer à la radio, parler de notre passion, parler de nos produits. Merci de nous accueillir et je profite de l'occasion aussi. Félicitations à nos collègues, nos confrères, je vais dire artisans. Quel beau produit. Parle bien proche du micro, comme si c'était une première fois. Voilà, Lou est en train de te coacher, c'est parfait. La meilleure coach en ville, là, présentement. J'ai vu le signe d'enfant. Je suis figure d'autorité, moi, aujourd'hui. C'est clair. Simon, le Bingard, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un mot, moi, je ne connaissais pas du tout, puis ça a une signification particulière pour le traiteur planche à charcuterie fromage tout que vous êtes, hein? Alors, le Bingard, c'est un terme qui était très utilisé dans les années 1800. Donc, c'était, le diminutif des gardiens des bancs. Donc, les bancs BANS, on parlait en fait des pâturages, surtout en fin de période végétative, où les fruits, les légumes commençaient à être gorgés de sucre. En fait, à l'époque, il y avait beaucoup moins de clôtures, donc nécessairement, les Bingards, les fameux gardiens, avaient à surveiller les bovins, les chèvres, etc., qui allaient taper dans les récoltes, finalement, avant de pouvoir même les récolter. Donc, l'ultime définition de ça, les gardiens des bancs, nous, on voulait le ramener, cette connotation, en fait, du terroir, des produits faits maison, les artisans. On trouvait ça super intéressant d'utiliser ce terme-là. Et votre objectif, c'est aussi de nous faciliter la vie avec des planches charcuterie fromage toutes prêtes qu'on peut commander, soit pour des événements corporatifs, des événements familiaux, peu importe. Vous arrivez des planches de 1 mètre, voire 2 mètres de long? Ben, on en fait à partir de je vais dire, une quantité pour une personne à aller jusqu'à, effectivement, le mètre. En fait, c'est le seul qui n'est pas sur notre site Internet encore parce que c'est une planche qu'on avait développée de façon plus corporative. Donc, oui, à la base, on voulait le lancer pour faire une verge d'apéro pour le Super Bowl. En toute transparence, ici, en radio, étant donné que c'est intime, c'est un peu phallique quand même pour utiliser en marketing. Donc, on s'est tourné vers le métrique, n'est-ce pas? Dans ce cas-ci, en fait, on parle d'une planche qui fait littéralement 100 centimètres par 25 centimètres. C'est une planche, en fait, donc, pour les groupes de 70, 100, 150 personnes. Super facile à mesurer. Tout le monde sait qu'est-ce qu'un mètre représente. Et du coup, en fait, on les assemble pareil que nos très petites planches à aller à plus grand volume. Naturellement, ça va augmenter en quantité, en variété. Alors, je parlais avant la pause de avec quoi on accorde l'hydromel. On a goûté l'hydromel mousseux. C'est un goût unique, hein, faut se le dire, parce que moi personnellement ça me rappelle un peu plus le cidre sec par exemple, mais on se dit avec quoi je l'accorde, avec quoi je le mange, et c'est là que le Bingard arrive, parce qu'apparemment c'est le meilleur accord avec les charcuteries. Le meilleur accord. Je sais pas, un bon accord en tout cas. Nos confrères d'apicole sauront le dire. Oui. Néanmoins, nos produits s'accordent avec beaucoup, beaucoup de produits, je vais dire, de breuvages comme tels. Puis en plus, là, avec les nano-bières de ce monde, etc., les sessions. Donc, il y a façon d'aller naviguer dans tout ça. On a l'hydromel. Philippe et moi, en fait, mon associé Philippe Boutin, on est deux serveurs et sommeliers de formation qui se sommes recyclés, du coup, en charcutier aujourd'hui. Donc, notre réflexion autour, puis on est deux personnes qui sortent aussi de la restauration. Lui, il a été copropriétaire d'un restaurant pendant 6 ans et demi aussi. Ça fait en sorte que la réflexion derrière toutes les recettes, derrière aussi ce qui est les accords, autant avec l'hydromel, le vin, la bière, même avec quoi que ce soit, tous les produits sont possibles d'accorder avec. L'hydromel fait en sorte que, surtout le produit qu'on a dégusté tout à l'heure, qui est sec, nous amène avec quelque chose qui va nettoyer le palais pour justement faire un contraste avec le côté plus riche des charcuteries, des fromages, qui est d'autant plus intéressant, puis qui va aller équilibrer aussi le produit, parce que naturellement, nous, dans notre préparation, on va ajouter justement des pécules de légumes un petit peu plus acidulés. On va mettre des gelées de fruits pour aller chercher une sucrosité aussi. Mais l'idée, lorsqu'on fait des contrats qui sont à plus grand volume, souvent on va ajouter des salades en accompagnement qu'on fait maison aussi, évidemment, pour aller chercher un petit peu plus de fraîcheur pour toujours avoir un équilibre. Donc, quand on a la beauté des produits comme apicole, ben là, on tombe, oui, effectivement, dans un accord qui est assez remarquable. Lou, est-ce que tu as expérimenté un petit peu? Un tout petit peu, mais là, c'est ça, je suis en train de faire mon assiette quand j'ai été rappelée à ma chaise. Non, mais je t'en veux pas, je te pardonne. Mais oui, tout ce que je goûte, c'est délicieux, puis ça, je remarque ça, justement, cette volonté-là d'équilibre. Là. Souvent, les plateaux charcuterie, fromage, puis tout, c'est lourd, puis c'est toujours ça, là, la petite touche d'acidité, le petit sucré qui va te faire vouloir en reprendre, puis balancer tout ça. Moi, j'aime bien ça, l'acidité dans la vie. Là. Je suis tout le temps, en tout cas, fait que je trouve ça malade. Aussi, salade, underrated, bonne idée. Vraiment, des salades super fraîches. Puis là, en fait, oui. On en a profité aujourd'hui. On savait pas exactement à quel crowd on pouvait s'attendre. Donc, on a substitué certaines charcuteries par des produits végétariens et végétaliens. Fait que c'est deux tartinades. On en a une, c'est une mousse de cachou cru au basilic. Puis l'autre, en fait, c'est une base. Vous allez retrouver sur le menu le fameux cheddar de Saint-Guillaume qu'on fait fumer à froid au Bangor. En fait, on utilise ce fromage-là. J'ai remplacé ma recette, en fait, qui utilisait à la base du tofu. Puis j'ai remplacé le tofu par le fromage fumé avec un mélange d'épices à base de piment d'Espelette et de paprika fumé. Donc, ça va nous donner un produit pour les gens qui mangent pas de porc, un produit pour les gens qui sont végétariens ou véganes, mais un produit qui est soutenant, somme toute. Fait que c'est souvent ça l'enjeu, en fait, quand que... Moi, je suis le premier à être ultra carnivore, par contre. Ben, j'ai un frère et une femme, sa femme, en fait, qui sont végétariens au maximum de ce qu'ils peuvent. Ils sont très, très, très conscients dans leur garde-manger, je vais dire. Donc, lui, à tous les semaines, il m'envoie des recettes de charcuterie végétarienne ou végétalienne. Puis, en fait, naturellement, moi, j'essaie de me retourner vers ça pour aller chercher un créneau qui est un peu plus large. Philippe m'arrive aussi avec des préparations très différentes. Lui, c'est plus le maître avec le fumoir. Moi, je dirais que c'est plus ce qui est séchage. Donc, on va se retrouver là-dedans. Mais l'idée, c'est d'avoir une uniformité puis surtout une variété assez vaste pour aller chercher tout le monde quand on a des plus grands groupes. Même quand tu manges de la viande, quand tu as de la variété, ça fait que tu en prends plus à où tu comptes. Parce que c'est surprenant. Les grands carnivores de ce monde, ils tapent là-dedans comme s'il n'y avait pas de lendemain. Fait que finalement, c'est bon signe pour nous. On est contents parce que d'habitude, quand il n'en reste pas aussi rapidement, c'est parce que c'est bon. Superbe accord avec les produits d'apicole qu'on déguste aujourd'hui. Alors écoutez, je sais que les assiettes sont garnies, sauf celle de Lou, ça s'en vient. Mille et une fondue aussi qui continue. Cette fameuse fondue à l'hydromel qu'on veut absolument goûter, tu nous en parlais un petit peu tantôt Jean-Yves. Est-ce qu'il y a eu un défi avec l'hydromel que tu n'avais pas eu avec d'autres spiritueux? Oui, définitivement. Il y a eu un beau défi. Honnêtement, on n'était pas habitué à travailler avec ce produit-là. Même si on le connaissait, on voit l'effervescence de ce qui se passe actuellement dans ce milieu-là. Mais oui, il y a eu un beau défi. Et pour la petite histoire, lorsqu'on a ouvert la bouteille de l'hydromel mousseux, notre chef, la première chose qu'il a fait, il a humé, il a goûté, et il a dit « Oh, wow! » On est ailleurs, il y a quelque chose à faire. C'était positif déjà en partant. Ça part bien, hein, Simon, quand on est en création puis que on aime les produits la base, avec lesquels on va travailler. Mm. Alors les idées arrivaient, les fromages, etc. Donc oui, mais c'était un beau défi. On est content, c'est subtil, vous allez voir, parce que c'est quand même un alcool relativement doux, 10% d'alcool. On travaille aussi avec des alcools de 40%, donc. Le défi est là. Une bière rousse ou IPA ou une New England IPA, on n'arrivera pas au même résultat. Donc, c'est subtil. On goûte le miel. C'était ça le but. Il ne fallait pas tuer le produit. Frédéric, c'est une primeur. Le produit n'est pas encore commercialisé. Donc là, les gens le goûtent vraiment avant même que ça soit sur les tablettes. Oui. Ça a été quoi votre réaction quand vous avez goûté cette fondue à l'hydromel? Ben, nous étions très contents d'être choisis parce que tu sais, il y a mille et un produits alcooliques et mille et un fondus. Première chose, très content d'avoir été choisi par mille et un fondus. Et puis, on avait un bon feeling. On avait essayé d'autres choses aussi, hein, on l'a pas dit, là, mais il y avait aussi on fait un autre spiritueux qui s'appelle de l'eau de vie de miel caramélisé, qui est un spiritueux. Et puis que donc on a décidé de vraiment y aller sur l'hydromel. Là. Mais bon, juste pour dire là, que effectivement il y a un choix à faire, puis il y a un accord à faire, puis ça prend vraiment des professionnels. Là. Donc oui. Parce qu'il ne faut pas que ça soit trop sucré non plus. Puis juste une chose, c'est aussi, c'est que ça, dans la philosophie de l'apicole, nous, on veut vraiment participer au développement des produits locaux. Puis donc, Mylène Fondue est une entreprise de Québec. Donc, c'est pour ça que vraiment, on est très, très fiers. Puis nos autres partenaires sont aussi toujours le plus près possible là, de la distillerie. Comme le Bingard aussi, avec oui. qui vous vous associerez prochainement? Parce qu'on a profité de l'occasion bien. Pour ça. Oui, mais en fait, on l'espère bien. Dans notre, une de nos valeurs, créativité expérientielle, on veut vraiment que les gens qui vont venir aient une expérience particulière. Donc, en ce sens, il faut choisir des partenaires là, qui sont capables de livrer. Hein? Et puis, c'est ça. Il y a mille une choses à faire chez Apicole. On peut réserver là, l'espace pour un événement privé, là, justement, des 5 à 7. Voilà. On va parler d'une autre activité qui, je pense, est en train de devenir très populaire. Avant ça, Lou, oui. on t'a rapporté une assiette. Ça va bien. Ah. Je suis émue. Oui. Merci. Ça, c'est quoi, ça? J'ai goûté ça, c'est délicieux. Le Bingard. Dans non, toute sa simplicité, le chorizo doux. En fait, je prends le pont en fait avec mes deux collègues artisans. C'est déjà d'une part, c'est rassurant de voir des artisans qui mettent leur corps, leur âme, leur réflexion, tout ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux sur la table pour pouvoir créer des recettes. J'avoue que celui-là, le chorizo, ça a pris 8 mois à peu près à trouver de l'équilibre dans l'épice. Au niveau du séchage, etc. C'est un peu des produits de longue haleine, un peu comme Apicole qui ont des produits qui vieillissent. Pour les mille et une fondues, j'avoue manquer d'expertise pour savoir si ça vieillit du fromage en fondue, faite pour la fondue. Ceci dit, on tombe dans des variétés. Là, on y va pour des produits qui sont beaucoup plus ponctuels. Donc, on parle à peu près de 6 semaines de séchage, en plus de la transformation avant. C'est le standard qu'on essaie de garder. Évidemment, on fait des tests avec des produits de plus longue haleine. Mais pour arriver à des résultats comme ça, pour avoir eu la chance de voyager un an en Europe avec ma femme, puis avoir fait quelques voyages aussi, ça, c'est les saveurs qu'on retrouvait un peu en Espagne, au Portugal, les textures aussi. C'est vraiment la texture, je trouve, il est comme vraiment pas trop sec non plus, là. Il est super. Exactement. Fait que nickel pour aller sur une pizza, pour manger comme ça, pour travailler de vraiment mille et une façons, sans reprendre le jeu de mots. Pareil pour tous les autres produits, en fait, on a le même processus de création, je pense, finalement, d'un artisan à l'autre, puis d'autant plus, c'est sécurisant de savoir que les autres font ça aussi en tant qu'entrepreneur, que finalement, on n'est pas tout seul à jouer dans cette nébulosité, si je peux utiliser le terme, en disant que il y a des fois, ça marche pas du tout. L'idée est géniale, mais finalement, le résultat, il est pas là, puis ça prend plusieurs essais pour arriver à un résultat parfait, qu'à l'inverse, des fois, on tombe pile dessus. Donc, ça dans la musique aussi, je te confirme. Ouais, c'est... Alors ça, j'ai coché. Il y a toujours un parallèle musique, nourriture, cuisine dans les émissions de Bouche à Oreille qu'on a faites aussi. On finit en beauté. Écoutez, tout a été super bon, mais le gin d'Apicole, ben oui, c'est pas fini. Frédéric, le gin, particularité, les gens peuvent aller chez Apicole, oui, pour goûter votre gin, mais aussi pour créer leur propre gin. Oui, en fait, on parlait de plusieurs mois. Nous, ça a pris 4 ans à développer notre gin. Mais donc, on a l'opportunité d'avoir 3 heures avec 2 distillateurs professionnels. Donc, pour créer un gin en groupe, la formule, c'est que les gens arrivent, ils ont plusieurs aromates à déguster de façon individuelle et en groupe, doivent choisir lesquels qui vont être, vont participer à la création, en tout cas, vont fabriquer le gin. Pendant l'atelier, on fabrique un gin, on part avec justement une bouteille pour pouvoir être redégusté 5 semaines après parce que ça prend une certaine période de maturation. Puis on voit quand même tout l'aspect, là, comment qu'on fait pour fabriquer l'alcool neutre qui entre dans la base du gin. Donc c'est le dernier né, là. On en est à notre quatrième atelier, là. Donc à chaque mois, on a un atelier comme ça. Donc il y en aura un au mois de mai, là? Oui, tout à fait. On surveille vos réseaux sociaux pour savoir quand s'inscrire? Exactement, oui. Et bonne nouvelle, pour les gens qui nous écoutent présentement, si on va à la distillerie, qu'est-ce qui se passe? Pour les auditeurs de CKRL, jusqu'à 5h ce soir, 17h, on pourra avoir un petit verre de d'hydromel gratuitement dans l'honneur du 50e anniversaire. Là, et puis, on est très, très contents de partager ça avec vous. Ouais, ça s'applaudit. Merci beaucoup. Ouais, je sais, on vous a fait saliver depuis 13h30. Alors, si vous voulez aller sur le boulevard Charest, la distillerie Apicole, Apicole, vous vous rendez, vous mentionnez CKRL. Et puis, il y a aussi un rabais pour les habitants de la cité Limoilou. Oui, cité Limoilou, 15% pour les visites, pour les dégustations, consommation sur place. Vous avez juste à montrer une preuve de résidence. Ça vaut la peine? Tu iras faire la visite en famille? Là, je pense que oui. Lou. Mais surtout que les enfants sont intrigués par les abeilles et tout. Oui. Donc, même s'ils ne font pas les dégustations, il y a une partie ludique pour eux. Non, vraiment. On boira du jus. Du jus. Du miel. Oui, dégustation de miel, bien sûr. Une cuillère, un petit shooter de miel. Alors, pendant que notre public se fait servir le gin, je veux remercier nos invités. Donc, Mille et Une Fondue, Jean-Yves Lapointe, on vous retrouve un peu partout. Hein. C'est dur de vous louper. On a parlé des épiceries, l'usine aussi qu'on peut, on peut vous rendre visite. Oui, ben, c'est le vendredi, une journée semaine, de 11h à 17h, on est ouvert au public. Les gens peuvent venir sur place parce que plusieurs de nos produits, une cinquantaine, ne sont pas nécessairement disponibles en épicerie. Si votre, je prends un exemple, et vous préférez la fondue de Tadoussac, pour le prendre un exemple, ben, elle est pratiquement seulement chez nous le vendredi. Donc, d'une part, puis on aime ça voir les gens. Nous, on est des anciens restaurateurs, on aime ça placoter, jaser, fondue et tout ça. Les gens découvrent à ce moment-là. Et bon, oui, c'est ça, IGA Métro, boutique spécialisée, et comme je mentionnais tout à l'heure, bientôt chez Apicole, où je pense bien que les gens vont pouvoir déguster aussi la fondue. Oui, à Hydromel, c'est vrai. Exactement. Dans combien de temps à peu près, donnez-nous une idée? Vous savez un pas? Mois. Non, je vous prends de court. Un mois? Peut-être un mois, oui. Okay. Les graphistes sont à l'œuvre. Puis moi, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir des petites charcuteries bandes de Vanguard quelque part proche. Qui sait? Pour déguster avec la fondue. C'est bon, on a fait l'accord. Merci beaucoup, Jean-Yves Lapointe, propriétaire de Mille et Une Fondues. Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux. Oui. Ce sont des fondues québécoises qui se sont exportées jusqu'à Hong Kong quand même. Oui, c'est vrai. Ça, c'est assez insolite, mais une belle réussite pour le Québec. Et on termine avec le Bingard. Donc, Simon Desilets, effectivement, on salue aussi Philippe Boutin qui m'a aidé à organiser la dégustation aujourd'hui. Simon, si on veut commander des planches du Bingard, que ça soit pour l'entreprise, des rassemblements de famille, qu'est-ce qu'on fait? Alors, très simple. Déjà, pour les ceux et celles qui visent faire des petits pique-niques dans les parcs, on peut toujours accéder au site Internet pour précommander 24 heures d'avance, les planches, tout est accessible. On a un menu pour les boîtes à lunch aussi qui est accessible sur le site internet, lebangard.com. On va l'appeler B-A-N-G-A-R-D. G-A-R-D.com. Outre ça, en fait, si vous avez un grand événement, moi, je conseille toujours aux gens, appelez-nous. Parce que notre force chez le Bingard, au-delà de faire juste des charcuteries ou tous ces accompagnements, tous ces dérivés, c'est le service. En fait, nous, notre désir et notre bonheur au fond des choses, c'est peut-être notre côté restaurateur qui ressort, mais au final, c'est de pouvoir prendre le temps de jaser avec les clients puis leur demander qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voulez faire un potluck, une entrée, un plat, puis après ça, à partir de là, on va vraiment moduler, construire ensemble, en fait, votre soirée, votre événement, votre moment spécial de partage. Merci beaucoup, Simon Desilets. Lou, on amène ça dans les spectacles, dans les tournées? Mais si le catering à toutes les salles, c'était ça, je te dis qu'on serait très heureux. Peux-tu nous expliquer ce que c'est? C'est pas tout le monde qui sait. Ah, catering, oui. Ben, c'est que, en fond, à toutes les salles de spectacle qu'on va, on a comme de la petite nourriture qui est offerte. Puis parfois, il y a les fameux Tostitos salsa, puis deux sacs de Lay's nature petits. Des fois, on a un petit plateau de crudité avec ça. Des fois, on a des sandwichs d'épicerie, mais c'est ça. Si on avait un plateau de charcuterie du Bingard puis une petite fondue sur le side, on serait très heureux. On va faire le rapprochement. Notez ça aussi, les invités. Voilà. Diffuseurs du Québec. Lou, merci infiniment. Merci. T'as été toi. À la hauteur, clairement. Là. Merci, je pense merci. Qu'on peut tous approuver. Ça m'a stressé au début, ce que tu as dit. Je sais. Émission de clôture ce soir de 18h à 20h. Tu seras avec nous en performance aussi. J'invite les gens à venir nous rejoindre ce soir à 18h pour la clôture. Ça sera ouvert à tous. Alors, si vous voulez rester avec nous pour la dernière ligne droite du Radio Temps de CKRL, ça sera de 18h à 20h avec Julou, Adrienne Cassidy. J'ai invité aussi Félix Girard qui a illustré les affiches du Radioton. Là, vous savez, cette façade de CKRL qu'il a réinventée. Il va venir faire son tour également ce soir. Robin Plamondon également du club. Mon nom est Jessica Lev. Je vous souhaite une excellente dernière journée de Radioton. Merci à tous. Vous écoutez le Radioton de CKRL.